Hey baby, hello. J'espère que je vous dérange. Je n'ai pas pu me retenir, je sais qu'on s'est quitté à longtemps. J'ai toujours ton numéro, je le connais comme mon nom. J'hésitais mais fuck ton ego, de t'entendre je suis content. On m'a dit que t'as un enfant, je suppose qu'il s'appelle Adam. C'est ce qu'on s'était promis, jamais je n'oublie. Un fils ou une fille, si j'avais mon CD, même si c'est fini. Penses-tu à moi dans ton lit? A-t-il le secret qui te fait gémir? Mon coup de rêve, les gens d'un jour te voient rougir. Baby, j'suis tellement désolé. Insulte-moi en face, rien qu'une fois en face. Putain, j'ai la rage. T'as-tu déjà giflé? J'fais des creux, sa race. Oh, j'fais des creux, sa race. Yo, passe-moi le phone, c'est qui là? Non, joue pas le bandit. T'es juste remplaçant sa mère, me l'a bien dit. T'as la main légère, je vais t'enculer, t'es mort. J'ai des dossiers sur toi, fais pas le mec hardcore. Grâce lui le fun, j'ai pas fini petit pédé. Cette femme est mienne, personne pourra t'aider. T'as beau lui avoir fait un gosse, je lui en ferai des milliers. Tu sors tout droit de prison, qu'est-ce que j'en ai à péter? Oh non, t'es un magnum, t'es un badman. Je vais t'enculer avec le bois que ta mère m'avait prêté. Des mecs comme toi, j'en bouffe tout l'été. Kevin, arrête s'il te plaît. Sorry baby. Baby, j'suis tellement désolé. Insulte-moi en face, rien qu'une fois en face. Putain, j'ai la rage. T'as-tu déjà giflé? J'fais des creux, sa race. Oh, j'fais des creux, sa race. Je viens vous chercher, prépare le petit. J'suis très sérieux, est-ce que tu m'as compris? Il finit tard, on fera ça l'après-midi. Prends tes vêtements, lui sera tous les hardis. Tu mérites mieux qui est ce chien sans laisse. Ton fils sera heureux, je t'en fais la promesse. Je te jure dans ma vie, y'a plus de l'obsa. Et bah et d'une nuit, je stoppe ça. Oh baby, viens, oublie toutes ces conneries. Je suis seul dans ma vie, demande à mes homies. Ouais, c'est ça, ouais. Sans toi dans ma vie, je n'ai rien. Donc à toi que chercher la money. Tellement d'années à penser à nous deux. Je t'ai manqué aussi, s'il te plaît, avant.